C'est une assistance téléphonique pour les personnes en situation de détresse en mer Méditerranée, avec un numéro d'urgence destiné à déclencher ou accompagner des opérations de sauvetage. Ensuite, un interview téléphonique avec le président de l'IRA mauritanienne, IRA, c'est-à-dire Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, qui est de passage à Bruxelles et désireux de donner des informations sur ce qui se passe en Mauritanie. Nous sommes déjà tout oui et bonne émission. Au revoir. Bonsoir, Serge. Bonsoir à tous les deux, comment vous allez? Oui, ça va, c'est dommage qu'on n'ait toujours pas en toute l'équipe totale à la radio, mais voilà, c'est déjà chouette de vous avoir aussi dans l'émission. Je suis content aussi de vous avoir. D'abord, je rejoins ce que l'a dit Nicole, hein, parce que ce que vous avez fait pendant ces jours, ces émissions où il n'y avait personne, c'était magnifique. C'est vraiment super ce que vous avez fait. Je vous félicite en tout cas. Voilà. Ben. Voilà, avec plaisir. Non, ça fait chaud au cœur, en tout cas. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, en fait, pour la STIP, d'abord, je ne suis pas beaucoup très au courant, parce qu'évidemment, je n'ai pas encore travaillé. Je reprends demain, parce qu'il y a une nouvelle assez importante. Ça veut dire qu'à partir de demain, les chauffeurs et tous ceux qui travaillent donc, au niveau de l'exploitation, donc c'est bus, tram, métro, ils vont être fournis en masque quand même, parce que ça a été le plus grand pied d'achoppement. Il y a beaucoup d'absents. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas travailler, c'était aussi par ce manque-là. Il y avait bien des gants, du gel, mais les masques n'étaient pas là. Donc, et comme même s'il y avait au moins 1,50 m entre les premiers clients et les chauffeurs, il y a quand même eu pas mal de craintes, parce que c'est quand même un endroit confiné. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu en Angleterre, à Londres, il y a quand même eu 20 chauffeurs qui sont décédés du corona, justement à cause que c'était confiné. Et qu'il n'y avait pas assez de protection pour les conducteurs. Oh, wow. Ok. Ouais. Donc, et comment ça va se passer maintenant quand toi, tu vas retourner alors? Ben, vu qu'il y a des masques, en fait, pour moi, ça va, quoi, tu vois. Mm-hmm. C'était ça surtout, c'était le manque de masques. Et à partir de demain, il y en aura, donc il n'y a vraiment pas de souci. Il y avait juste un truc où j'ai, personnellement, où je me suis un peu quand même, parce que quand j'ai appris que, parce qu'il y avait des nouveaux qui étaient en temps de décollage, mais qui ont dû arrêter. Donc, ils les ont proposé de nettoyer, en fait, préventivement, ce que les gens, ils touchaient le plus dans les bus, à des termes bien définis. Donc, c'est-à-dire les mains courantes, les boutons, les accoudoirs, les barres de fer pour que les gens rentrent dans un bus, c'est tout. Et de nettoyer ça préventivement et tout. Mais simplement, ils n'avaient aucun masque. Le problème, c'était pas toujours que le problème de ce virus, c'était aussi que ces gens, ils avalaient, en fait, ils respiraient ce produit. Et c'était un produit, en fait, qu'ils mettent, qui est assez fort, assez toxique, quoi, tu vois. Je trouvais ça un petit peu dégueulasse, j'ai directement réagi. Mais la réponse a directement été aussi, ouais, mais excusez-nous, on n'en peut rien, on n'a pas de masque, voilà. Donc voilà. Donc c'était un peu embêtant. Et tout ça, maintenant, ils ont changé de produit et tout ça aussi? Non, le produit n'est pas changé. Ils vont toujours employer. En fait, ils vont même recevoir en plus, mais maintenant, ils vont quand même avoir des masques. Parce que c'était scandaleux, quoi. Tu vois, ces gens... Mais qu'ils ont dû, avaler ce produit chimique. Toute la journée, ce produit, c'est un produit assez fort, quoi, en plus, quoi. Ça va? Bah oui, c'est tout ce que je vais dire, parce que je sais pas plus... Je sais que ça a chauffé, qu'il n'y a pas beaucoup assez de transports en commun, évidemment, que c'est très difficile pour les chauffeurs, parce que les gens, évidemment, ils ne parviennent pas à respecter le nombre de personnes réglementaires dans les bus pour l'instant, ou les trams surtout les trams, parce que, donc, ils peuvent pas mettre les gens dehors, évidemment, quoi, tu vois. Il faut comprendre que c'est des gens qui attendent après 25 minutes pour un bus, ils ne savent pas mettre, après 8 personnes dehors, ils ne savent pas mettre 2 zones dehors, en disant qu'ils ne bougent pas tant qu'il n'y a pas... Le truc, le nombre de personnes, quoi, tu vois. Oui. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de nouveau le transport. Ouais, ça recommence. Alors, c'est un peu le problème aussi pour, à partir du 3 là, ou du 4, là, quand ils vont certainement remettre tout en route, qu'est-ce qui va se passer? C'est très embêtant, quoi, tu vois. Mais apparemment, ça, c'est un peu embêtant, c'est qu'ils vont recommencer à mettre directement tout le service, mais vraiment le service comme. Une période de vacances, en fait. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de monde dans les bus. Comment est-ce qu'ils vont gérer ça avec le manque de masques? Ça va être autre chose. Oh là là là, ok. Donc, c'est vraiment pas très bien pensé. Ben, écoute, je sais pas si tu as remarqué, si on est arrivé à un confinement aussi total aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il manquait ces masques, en fait. Hein. Parce qu'il y avait pas de protection pour la population, ce n'est que ça. Hein. Parce qu'autrement, ils auraient peut-être dû réagir autrement, quoi, tu vois. C'est ça. Ici, rien ne fonctionne parce qu'il n'y a plus de masques, plus du tout. D'abord, c'est pour les infirmières et les médecins et tout qui n'avaient rien du tout comme protection. Et maintenant, comme ils doivent absolument déconfiner parce que leur capital commence à péricliner et ça commence à chipoter un petit peu. Donc, on va essayer de trouver des solutions. Je ne sais même pas quel genre de masque c'est. Hein. Je ne sais même pas. On va peut-être voir un peu si c'est pas un truc simplement un truc placebo, là, tu vois. Un masque, je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Maintenant, oui, parce que maintenant, ils ont des masques pour les travailleurs, mais pour les gens qui font le bus de transport et le tram, ils n'ont pas de masque. Non, mais ils vont avoir ça à partir de demain, c'est ça que je dis. Mais il faut voir la qualité de ces masques. Oui. Parce que c'est bizarre que tout d'un coup, ils en ont trouvé, quoi, tu vois, en quantité suffisante, parce qu'ils vont en donner 2 par jour à chaque chauffeur qui roule. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est la même chose chez nous à Sibelga. Ils ont apparemment, ils attendent 40 000 masques. Et donc, chaque travailleur qui va travailler soit dans le bureau, soit sur le terrain, a droit à un masque par jour, à partir de la semaine prochaine. Ah, ici, ils en disent 2. Mais demain, je vais voir un peu, demain ou après-demain, je ne sais pas encore, on va voir un peu la qualité de ces masques. Parce que ça me pose quand même un peu le problème que tout d'un coup, on trouve facilement autant de masques, tu vois, parce qu'il y a quand même, je ne sais pas moi, des milliers de chauffeurs, quand même, hein, un truc comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, donc je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça, on verra bien. Je sais qu'en tout cas, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, point de vue écologique, ça va être une véritable catastrophe. Hein, parce qu'ils ont déjà envoyé que ces masques, en fait, ils doivent les mettre dans un papier plastique après pour les mettre dans des poubelles, parce que c'est pas recyclable. Ouf. Donc, l'écologie à côté de ça, c'est complètement oublié. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Donc ça, c'est déjà avec les gants aussi et tout. Hein, ouais. Les gants, ouais. Ouais, plastique, mais ça rajoute, plastique, quoi, tu vois, plastique. Ça rajoute. Ouais, ça rajoute. Allez, bon courage quand même demain. Ouais. Peut-être demain ou après-demain, je sais pas encore, on verra. Ah ouais. Bon. Ça va. Ok. Ok. Bon et espérons À très bientôt. À très bientôt, oui, quand même. Ben, s'il y a des masques, il y a des masques qu'on vend. Il y a beaucoup de chance que la semaine prochaine, on se verra à la radio, peut-être. Hein. Ok. Magnifique. Ça va? Mais c'est ça d'abord va. La distrolapinothèque. Ah oui, ah, oui, ouais, c'est juste, on va la laisser faire. On va laisser la place à eux la semaine prochaine. Ok. Donc, ok. Allez. Ça va. Merci beaucoup, en tout cas. Oui, à merci bientôt, à toi, Serge. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. D'accord. See you when you jump over the wall. You think I never see you when you accidentally fall. Me say, aye, make your puppy a bitter ball. Why you accidentally fall? Aye, is you crying out for ice water? Ok, ben voilà. Bon, on va changer un petit peu de choses dans la structure parce que on avait voulu interviewer avant l'émission un membre de projet Alarme Faune, mais on n'a pas pu le faire et on a rendez-vous à 9h avec cette personne-là. Donc, on parle d'abord quand même de Alarme Faune et après, on reparlera de l'action de sans-papiers pour la régularisation à Bruxelles. On ne va pas vous oublier. Je vais vous laisser entendre un petit enregistrement que j'ai fait quand même en avance qui explique bien qu'est-ce que c'est Alarme Faune et toutes les questions que vous pouvez poser sur leur projet. Il y a déjà des réponses. Comptez-vous traverser la Méditerranée en bateau via l'une de ces routes? En cas d'urgence avec le bateau ou avec les personnes à bord, appelez les gardes-côtes du pays que vous rejoignez. Vous pouvez trouver les numéros ici. Après avoir contacté les gardes-côtes, appelez le numéro d'Alarme Faune. Plus 33 4 8 6 5 1 7 1 6 1. Nous n'avons pas de bateau ou d'hélicoptère pour venir au secours. Mais nous avons les connaissances et la capacité à mettre la pression aux gardes-côtes et aux autorités nationales pour qu'ils vous viennent en aide. Vous pouvez joindre Alarme Faune à n'importe quel moment, nuit et jour. Si possible, parlez-nous en français ou en anglais. Mais nous avons des interprètes vers d'autres langues si nécessaire. Lorsque vous nous appelez, il est très important que vous nous donniez d'abord votre position et que vous décriviez votre situation. Les smartphones avec GPS ou les téléphones satellites affichent cette position. Apprenez s'il vous plaît à lire les positions GPS. Si vous n'avez ni smartphone ni téléphone satellite, il est important de noter précisément l'heure et le lieu de votre départ et de chercher des points remarquables en mer comme des îles, des bateaux ou des plateformes pétrolières. Pouvez-vous décrire votre bateau, le type, la taille et la couleur? Quel est son état? A-t-il des fuites? Combien de personnes sont à bord? Combien y a-t-il d'hommes? Combien y a-t-il de femmes? Combien y a-t-il d'enfants? Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide médicale? Nous allons informer les gardes-côtes et surveiller les opérations de secours. Nous allons rester en contact avec vous. Nous sommes Watch the Med Alarm Phone, un réseau transnational de personnes qui luttent contre le régime européen des frontières. Nous exigeons des passages en sécurité vers l'Europe et la liberté de circulation pour tout le monde. Merci de noter que ce numéro n'est pas un numéro de sauvetage, mais un numéro d'alerte pour appuyer les opérations de secours en mer Méditerranée. Comment envoyer la localisation GPS avec WhatsApp? Si vous êtes en situation de détresse et vous appelez un numéro d'urgence, on va vous demander votre localisation GPS. Vous pouvez envoyer votre localisation avec WhatsApp. Pour cela, le numéro d'alarme vous envoie un numéro de téléphone qui a WhatsApp. Enregistrez ce numéro dans votre contact. L'icône de WhatsApp peut prendre un moment avant d'apparaître devant le contact. Ouvrez WhatsApp sur votre téléphone. La localisation GPS du téléphone doit être activée. Cherchez le numéro d'alarme que vous venez d'enregistrer et cliquez dessus pour ouvrir une conversation. Cliquez sur le symbole de trombone que vous voyez dans l'espace du message. Si vous utilisez un iPhone, cliquez sur « Plus » dans votre espace « Message ». Sélectionnez « Localisation ». Notez bien, pour envoyer la localisation, WhatsApp doit avoir accès à votre position. Si ce service est désactivé, une fenêtre va apparaître avec des instructions pour expliquer comment l'activer sur votre téléphone. Sélectionnez « Envoyer votre position actuelle ». Ne pas sélectionner « Partager localisation en direct ». Dès que les deux petits signes bleus apparaissent dans le coin en bas à droite, la localisation est arrivée. Il est conseillé d'enregistrer les numéros importants d'urgence avant votre départ. Si vous êtes en situation de détresse, vous pouvez appeler l'un de ces numéros en région de Méditerranée de l'Ouest. Vous pouvez contacter le sauvetage en mer espagnol Salvamento Marítimo. Plus 3 4 9 0 0 2 0 2 2 0 2. Les gardes-côtes marocains Marine Royale. Plus 2, 1, 2, 5, 3, 7, 6, 2, 5, 8, 7 et 7. What je mets alarm phone. Plus 3, 3, 4, 8, 6, 5, 1, 7, 1, 6 et 1. 10 questions posées au téléphone d'alarme. Que peut faire le projet s'il ne peut pas organiser lui-même les opérations de sauvetage? Le téléphone d'alarme offre aux gens devant les bateaux concernés une seconde option pour rendre leur SOS visible. L'alarme se documente et se mobilise en temps réel. De cette façon, la pression pour le sauvetage est renforcée, dans la mesure du possible. De plus, les refoulements de réfugiés et des migrants peuvent ainsi être stoppés. Une deuxième question. Que fera-t-on concrètement si les gardes-côtes ne lancent pas d'opération de sauvetage malgré les SOS et l'alarme? Si les gardes-côtes n'agissent pas rapidement, on cherchera, d'une part, à faire respecter les opérations de sauvetage par la pression de l'opinion publique. D'autre part, on tentera d'alerter les navires de charge et les navires citernes à proximité du navire en détresse. Troisième question. Sur quelle expérience ce projet s'appuie-t-il et quels sont les moyens dont il dispose? La réponse. Les membres de l'équipe s'entraînent à l'aide de manuels qui intègrent les expériences de personnes qui ont été les personnes de contact des gens des bateaux depuis des années déjà. Ils utilisent des cartes en ligne et s'inspirent du savoir-faire du projet de surveillance Watch the Met, qui enquête sur les cas de décès et de non-assistance en mer Méditerranée depuis 2011. La quatrième question, dans quelle région de la mer Méditerranée le projet est-il activement impliqué? La réponse, le projet est activement impliqué dans les trois régions par lesquelles les migrants et les réfugiés tentent d'atteindre les pays de l'Union Europe. La mer Égée, entre la Grèce et la Turquie, la mer Méditerranée centrale, entre la Libye, Tunisie et l'Italie, et la mer Méditerranée occidentale, entre le Maroc et l'Espagne. Bien que la situation varie d'une région à l'autre, dans toutes ces régions, les violations des droits de l'homme se produisent à maintes reprises par le biais de cas laissés pour compte ou de refoulement. Cinquième question, qui est responsable du projet qui gère la ligne d'assistance téléphonique et comment est-elle financée? La réponse, le téléphone d'alarme est géré par des volontaires dont la plupart sont actifs aux frontières extérieures de l'Europe depuis de nombreuses années. Dans des réseaux tels que Welcome to Europe, Afrique Europe Interact, Borderline Europe, No Border Morocco ou Watch the Met, ils sont impliqués dans des groupes locaux, dans la recherche et ou dans des campagnes dans les trois régions mentionnées. Les activistes du projet sont basés à Tunis, Palerme, Melilla, Tanger, Cadiz, Marseille, Strasbourg, Londres, Vienne, Berne, Berlin et dans d'autres villes. Certains membres ont fait leur propre expérience personnelle de franchissement de frontières maritimes dans le passé. Le projet est financé par des dons. Sixième question, qui soutient le projet? La réponse, le projet est soutenu par un large éventail de membres de la société civile des deux côtés de la Méditerranée qui ont signé notre appel. Parmi eux figurent des intellectuels et des journalistes renom, des survivants de sauvetage tragique ainsi que des parents de personnes disparues lors de leur voyage en Europe. Le projet est soutenu par des auto-organisations de migrants qui ont eux-mêmes connu les frontières meurtrières et par des citoyens indignés qui considèrent la situation actuelle comme insupportable. Septième question. Comment le numéro de téléphone d'alarme sera-t-il diffusé? La réponse. Le numéro de téléphone d'alarme sera diffusé principalement par des contacts directs avec les communautés des migrants et des réfugiés dans les principaux pays de transit Afrique du Nord et en Turquie. Des dépliants seront distribués pour informer sur les risques de la traversée de la Méditerranée. Outre des notes sur la manière de réduire les risques, le numéro de téléphone d'alarme sera fourni. Huitième question. Quelle est la relation avec des gardes-côtes et les autorités responsables? La réponse. Ce projet est axé sur le sauvetage des gens de bateaux, leurs droits et leur protection. À cet égard, la coopération avec les gardes-côtes sera recherchée et ils seront informés du lancement du projet. Ceci date de 2014. La critique du régime frontalier meurtrière s'adresse avant tout aux acteurs politiquement responsables de l'Union européenne. Neuvième question. Quel est le lien entre le projet et les passeurs de personnes? La réponse. Les passeurs de clandestins n'existent que parce que, et aussi longtemps qu'il existe des régimes frontalières qui empêchent les réfugiés et les migrants d'entrer légalement dans le pays et qui les contraignent à emprunter des itinéraires secrets, coûteux et dangereux. Dixième question. Quels sont les objectifs à court et à long terme du projet? Réponse. À court terme, le projet se concentre sur les missions de sauvetage et la prévention des violations des droits de l'homme. La mort de réfugiés et de migrants en mer pourrait déjà appartenir au passé si les régimes de frontières et de visas étaient dissous. Dans ce contexte, le projet vise à créer un espace méditerranéen de solidarité mutuelle avec des frontières ouvertes pour tous les peuples. Appel à dons. Le projet d'Alarm Phone essaye de faire face à des dépenses aussi faibles que possible. Nous comptons environ 200 membres, mais pas un seul emploi rémunéré. Pour les téléphones d'alarme, nous travaillons tous sur une base volontaire. Cependant, des coûts comme ceux des exemples ici-dessus sont régulièrement engagés et actuellement, nous n'avons pas assez d'argent pour durer jusqu'au début de l'année 2020. C'est pourquoi nous demandons des dons. Nous acceptons volontiers les ordres permanentes pour des petites sommes ou les dons ponctuels. Chaque contribution nous aide à faire fonctionner notre centre d'appel autogéré, à appeler les téléphones satellites des gens sur les bateaux et à les charger des crédits en ligne, à diffuser notre numéro d'urgence dans les communautés des migrants au moyen de cartes visite multilingues, à distribuer des dépliants d'informations sur les risques en mer, créer du matériel de campagne contre Frontex et le régime frontalier, organiser des réunions du réseau et entreprendre des voyages de contact et de recherche dans les différentes régions de transit. Notre projet est indépendant et a besoin de dons. En 5 ans, le projet Alarm Faune a accompagné et soutenu près de 3000 bateaux. Nous continuerons avec notre ligne d'assistance téléphonique jusqu'à ce que les morts en mer prennent fin. Avec notre travail, nous visons à créer des corridors de solidarité concrète. Nous nous battons pour le droit à la liberté de mouvement et pour l'égalité des droits de tous les habitants de cette planète. Merci pour votre soutien. Les comptes pour les dons, il y a un compte en Europe, l'Union Europe, et un compte en Suisse. Et on va mettre toutes les coordonnées sur le blog de tranchedanard.noblogs.org. It's my history, the African in me. Since before I could read, my brain fit to feed. Had my feet on the ground for my Fulani seed. Wake up, good morning. This is Aka calling. Love is Italy. This is Rega calling. Wake up, good morning. This is Aka calling. You soup Italy. This is Africa calling. Loja bonanga kuba mangi fi day mangi fi el bespune day delusi nanga kuba mabla kula kudei. Holding on to all the little pieces, I'm with you to preaching positive thesis. Walking over tears falling down like rain, but still I have a little something in my brain. Oh, wake up, good morning. Morning. This is Dakar calling. Africa calling, wake up, good morning. This is Dakar calling, Africa calling, this is Rega on est à l'émission Transjanard à Radio Air Libre à Bruxelles, en Belgique. Et on est très content de vous avoir au téléphone. On vient d'écouter un peu l'explication avec des vidéos qui étaient déjà mises sur le site d'Alarm Faune, qui explique qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Mais maintenant, je voudrais bien que vous veniez expliquer comment ça se passe actuellement et aussi concernant cette communiqué presse que vous avez lancé très récemment, aussi sur tout ce qui s'est passé et avec des conséquences désastreuses, de nouveau, encore une fois, à la mer Méditerranée. Mmh. Ouais. Bonsoir. Donc, ce qui se passe maintenant, bon, pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Sauf que ce qui s'est passé dans le week-end de Easter en Europe, Malte et les autorités de l'Union européenne nous ont carrément laissé des gens mourir en mer. Et ils ont forcé le retour des survivants de ce bateau à une zone de guerre. Donc, on sait qu'il y a 12 personnes qui ont perdu leur vie à cause des actions européennes et de l'inaction dans la mer Méditerranée. Plusieurs autorités européennes ils ont été informées, mais aussi libyennes. Donc, on a informé Malte, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne et la Libye. Avec ça, on a eu 12 personnes sont mortes. Donc, ce qui s'est passé, je vais essayer de faire un petit résumé avec des dates. Mm-hmm. Vendredi, le 10 avril, Frontex a vu qu'il y avait 3 bateaux dans la mer. Et ça c'était publié dans le communiqué de presse du 13 avril. Donc, dans la nuit du 10 au 11 avril, ce bateau-là, c'est 55 personnes, ils ont appelé à l'Alarm Faune. Ils ont quitté dans la nuit du 9 au 10 avril, et ils nous ont appelé entre le 10 et le 11 avril. Donc, ils nous ont appelés, ils étaient en détresse, ils ont dit qu'il y avait de l'eau qui entrait dans leur embarcation, qu'ils avaient besoin d'aide en toute urgence. Ils ont partagé avec nous leur position GPS qui montrait qu'ils étaient dans les eaux internationales, dans la Méditerranée, et Alarm Faune a informé les autorités, Malte, Italie et la Libye. Dans les prochaines heures, Alarm Faune est resté en contact avec ces personnes et à chaque fois, elle pouvait avoir une nouvelle position GPS et des détails de la situation sur le bateau. Après le samedi, le 11 avril, Alarm Faune a finalement pu joindre les autorités libyennes au téléphone et ils nous ont clairement dit que les gardes-côtes libyennes maintenant, ils ne font qu'un travail de coordination à cause du Covid-19 et on peut pas intervenir ou faire des actions de sauvetage, mais on est en contact avec l'Italie et Malte. Donc, bien sûr, Alarm Faune est encore resté en contact avec ce bateau, avec les gens qui sont sur ce bateau et à chaque fois recevait de nouvelles positions GPS et informer les autorités à chaque fois qu'on recevait une nouvelle position en GPS. Mais malheureusement, c'est les autorités, ils ont refusé d'effectuer le sauvetage ou même de coordonner une opération de sauvetage pour à peu près 55 personnes qui sont en détresse. Donc dimanche, à peu près à midi, Alarm Faune a reçu une position qui montre clairement que c'est dans la zone maltaise, dans la Search and Rescue Zone maltaise. Et donc, à 2 heures, les gens qui étaient sur ce bateau, ils ont rappelé, ils ont demandé de l'aide. Et depuis, on n'a pas pu rétablir un contact avec ces personnes qui sont sur le bateau. Le lundi, après-midi, le 13 avril, après qu'on a perdu contact avec les personnes sur le bateau de 36 heures, donc la dernière fois qu'on a pu les joindre, c'était il y a 36 heures, et il y avait beaucoup de pression dans la Méditerranée, il y avait d'autres bateaux, et donc Malte, les autorités Malte et les autorités italiennes, ils ont organisé une surveillance par leur petit avion ou hélicoptère, et finalement ils ont vu qu'il y avait un bateau en détresse dans la search and rescue zone maltaise. Donc à peu près ça, c'était à minuit, le lundi à minuit. Donc après, le mardi, le 14 avril, une demi-heure ou un peu plus après qu'ils ont remarqué qu'il y avait un bateau, Malte a envoyé un NAVTEX au bateau en leur disant que tous les bateaux qui sont dans cette zone-là, ils devraient faire attention et devraient assister des bateaux si c'est nécessaire. La position GPS, on a fait une estimation d'une position GPS vu qu'on avait perdu le contact avec les personnes au bateau, donc on pouvait pas savoir la nouvelle position, mais on a fait une estimation et donc si on voit bien le NAVTEX, excusez-moi, la position GPS de certains avions étaient bien en accord, disons, avec notre estimation. Et un peu après, un cargo ship, un bateau de marchandises, Ivan, il s'est arrêté un mile away du bateau qui est en détresse, et Malte leur a ordonné de rester sur scène et de voir ce qui se passait, de les assister si c'est nécessaire et tout. Mais en ce temps-là, il y avait des vagues immenses, la météo, c'était horrible, il faisait nuit. Et donc Ivan, le bateau Ivan n'a pas pu faire le sauvetage. C'est un bateau de marchandises, ils ne sont pas généralement très bien équipés pour effectuer des sauvetages. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Et d'après les témoignages qu'on a eu des survivants, trois personnes, quand ils ont vu le bateau Ivan, ils ont sauté dans l'eau pour pouvoir nager et aller au bateau, mais ils sont mortes. Ils ne sont pas y arrivés. Oui. Mais aussi, ils ont dit, donc, quatre autres personnes, ils se sont carrément presque suicidés. Ils ont aussi sauté dans la mer parce qu'ils avaient soif, ils étaient désespérés, ils n'avaient pas de quoi manger. Et donc aussi, ils ont dit qu'on a crié, on a fait des signes de détresse, on a tout essayé pour qu'on puisse nous voir. Et apparemment, ils ne nous ont pas vus. D'après les survivants aussi, ils ont fait des signes de détresse aux petits avions qu'ils voyaient. Oui, parce qu'ils étaient surveillés, il y avait ouais. Voilà. Donc, ils voyaient l'avion, ils voyaient le bateau, mais ils voyaient que personne venait à l'aide. Ouais. Voilà. Et donc, ils disent que cet avion, il nous a sûrement vu parce qu'il faisait des flashs rouges sur le bateau. Et donc, juste après, un autre bateau qui est venu de nulle part et il est venu nous prendre du bateau. Donc, à peu près à 5 heures du matin, un bateau de pêche et un autre bateau qu'on n'a pas encore identifié et sont arrivés sur Seine. Ils ont pris les survivants à bord sous la coordination des forces armées de Malte et le Ivan a été Malte a ordonné à Ivan de quitter la Seine. Donc le mardi après-midi, les autorités maltaises, ils ont confirmé, ils ont dit à l'info qu'il n'y avait pas de cases ouvertes dans la zone SAR de Malte. Et ils n'ont rien dit à propos du bateau des 55 personnes. Et donc apparemment aussi les autorités italiennes, selon ce qu'ils ont dit, ils n'avaient pas d'informations sur ce secret, sur ce pushback secret. Et donc ils ont attendu, les autorités maltaises ont attendu presque 2 jours alors. Ou même plus. Bon, le bateau il a quitté dans la nuit du 9 et après c'est le 14 qu'un bateau est venu alors que les autorités ils étaient bien informés le 10. Waouh, donc c'est 4 jours. Ouais. Donc ils ont vraiment laissé les gens mourir quoi. Ouais. Mourir en mer sous leur surveillance, sous leurs yeux. Ils savaient tout. Et à part de laisser des gens mourir, ils ont coordonné un pushback illégal. Les gens, ils étaient dans la zone SAR maltaise. Ah oui, donc ils ont renvoyé au Libye. Oui, ouais. Ils ont renvoyé des personnes dans une zone de guerre. Ouais. Donc ils ont toujours, ils sont finalement, après 4 jours, ils sont venus soi-disant sauver voilà. Ceux qui restaient et après ils ont quand même illégalement encore repoussé ils ont poussé les gens illégalement à une zone de guerre qui est la Libye et donc c'est pour donc le mercredi matin le 15 avril on a reçu une information que 56 personnes ont été retournées en Libye à bord d'un bateau de pêche. Parmi eux, il y avait le corps de 5 personnes qui sont mortes durant cette traversée, à cause des politiques de Malte et de l'Italie qui n'ont pas voulu assister ces gens-là et sauver ces personnes-là. Et maintenant, est-ce qu'il y a des choses à faire sur ça? Est-ce que vous pouvez prendre des étape suivante avec les témoignages et des preuves que vous êtes en train de récolter ou comment ça fonctionne? Pour le moment, honnêtement, on n'a pas encore établi une prochaine étape, disons. Et pour le moment, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qu'on peut faire aussi. Et donc, il n'y a rien de clair pour le moment. Oui, et vous êtes encore en contact avec des gens qui sont maintenant de nouveau en Libye ou Le contact, il est très difficile avec les gens qui sont en Libye, qui n'ont pas accès au téléphone, ils sont dans des centres, des prisons. Donc ce n'est pas toujours aussi facile de s'adresser que ça, désolé, de rester en contact avec ces gens-là. Et vous travaillez ensemble avec encore d'autres organisations ou autres pour ce genre de déclamer ce genre de choses qui se passent ou pour est-ce qu'il y a eu déjà quelque chose dans le précédent pour quand même dénoncer bien, on a presque jamais eu de telles situations, on n'a jamais eu presque pas vu de telles situations et parce qu'on a une situation qui est nouvelle. On a des ports qui sont fermés à cause du COVID. Soi-disant à cause du Covid-19. Soi-disant, oui. Et, oui. Et donc, on est presque bloqué concernant le sauvetage en mer. Parce que à la fois, l'Italie dit que c'est pas un port sûr, Malte et la Libye, qui les gens ils sont parfois ils ne sont pas dans les zones comme ça, par exemple, comme cette situation. Les gens ils ne sont pas dans les zones, dans la zone libyenne, ils sont loin des eaux territoriales de la Libye. Et on fait quoi donc? Qu'est-ce qu'on doit faire? On a les deux ports qui sont sur hors Covid, qui sont fermés maintenant, soi-disant le Covid. On fait quoi? Ouais, parce que c'est ça aussi. Maintenant, les bateaux qui vont de nouveau partir, et quand il y a de nouveau un problème, et ça va être peut-être de nouveau la même situation. Excusez-moi. Donc, si maintenant les bateaux passent quand même encore, d'autres bateaux vont peut-être de nouveau essayer de passer, alors ça veut dire que ça risque de nouveau s'arriver. Oui. Quand ils ont un panne dans leur bateau, ils sont de nouveau dans cette même situation. Est-ce que. Ouais. Donc, utiliser le Covid-19 pour dire refuser pas des ports sûrs, alors que pour une zone de guerre c'est un port sûr, il n'y a pas de problème en Libye, il n'y a rien qui se passe en Libye, c'est de l'hypocrisie, c'est des politiques racistes de l'Union européenne. Ouais, voilà, donc c'est vraiment ça. Ouais, ça complique encore une situation qui est déjà super compliquée aussi pour vous, pour pouvoir faire votre aide. Ouais. Ok, bon, merci énormément pour en parler. J'espère quand même qu'il y a eu des réactions sur le communiqué de presse que vous avez eu. Est-ce qu'il y a eu des autres médias qui en parlent, ou est-ce que ça reste... Personnellement, je n'ai pas trop suivi ce qui a été dit. Je ne sais pas trop, mais il y en a, par exemple, Times of Malta qui en a parlé, et il y a des journaux italiens qui en ont parlé aussi. Donc, il y en a un peu, mais j'ai pas beaucoup suivi, honnêtement. Ouais, ok. Mais c'est, je pense que c'est important de... Oui, que ça mette un peu la pression quand même pour ne pas faire la même chose et que ça ne va pas arriver encore une fois. Oui, sûrement. Inch'Allah, ok. Oui, ok. À bientôt, une autre fois. On veut bien refaire encore une émission sur ça, parce que ça mérite de faire une émission complète. Mais maintenant, on a encore un sujet à traiter... dans cette émission aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation et une autre fois peut-être. Oui, d'accord. Ouais. Et bon merci. Courage avec votre merci projet. Beaucoup. Vraiment, merci que vous faites ça. C'est génial. Heureusement qu'il y a des genres des initiatives comme ça. Merci. Ok. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Sans papier, nous sommes tous des humains. La liberté pour tous, l'égalité pour tous, justice pour tous, travail pour tous, solidarité pour tous, l'éducation pour tous,

voulais quand même encore rajouter un petit mot. Je veux surtout remercier toutes les personnes sans papier qui ont fait cette action super courageuse. Ils savent, c'est déjà pas facile de faire ce genre de choses dans le temps normal. Et maintenant, avec toutes ces contrôles et ces mesures, confinement, tous ces risques, qu'ils ont quand même osé de faire ça. En plus, c'était la première action à Bruxelles depuis lors, depuis le début du confinement public, soi-disant. Il y a eu plein d'autres actions, mais bon, voilà. Et voilà, donc un énorme, un grand merci. Et voilà. Et je pense que c'était aussi nécessaire parce que, apparemment, à cause d'avoir fait ce genre d'action, finalement, on a parlé dans la presse. Côté francophone, un peu mieux représenté que côté néerlandophone. Hein, mais bon, là, on sait déjà très bien comment ça fonctionne maintenant avec le média néerlandophone. Ils ont vraiment le politique NVA qui est sur leur dos. C'est même ouvertement, publiquement, été dit pendant les mesures d'austérité. C'était très clair. Même des gens qui travaillent dans le média flamand, ils ont dit on a vraiment... le NVA qui nous ordonne les choses. Ben voilà. Et donc, il n'y a pas eu du tout eu un problème du côté soutien aux sans-papiers. C'est plutôt la police, comme toujours, qui sont intervenus pour interpeller une personne sans papier après qu'il avait juste fait un interview pour la presse. Et c'était juste pour empêcher que la police prenne cette personne en arrestation que les militants ont réagi et voilà, et pour le reste il n'y a rien eu. Voilà, c'est comme ça, mais malheureusement c'est que la presse alternative et la presse que la version de comment les choses se font c'est surtout dans la presse alternative. Je veux aussi vous conseiller quand même encore de regarder pas mal les articles sur Indie Media Bruxelles, parce que là aussi on a plein de gens qui décrivent qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette période-ci et comment la police abuse cette période de confinement pour faire des... Ouais, de légitimiser encore une fois leur violence policière. Voilà. Maintenant, encore une petite musique pour après introduire le dernier sujet. C'est vrai que c'est costaud ce soir sur l'IRA, mais ça mérite vraiment encore de votre attention. J'espère que vous êtes encore là avec nous et que vous allez encore avoir le courage d'écouter après cette musique un interview. Tobamo ni shakara pade, fashoto ma fino e oje lo je. Kilo se epe o shakara o lo je ni. Tobamo ni shakara pade, fashoto ma fino e oje lo je. Kilo se epe o shakara o lo je ni. Babo ni shakara pade, basha toma fino e o jelo nje. Kila she epe o shakara o lo jeni. Shakara o lo jeni o. Shakara o lo jeni. Shakara o lo jeni o. Shakara o lo jeni. Shakara o lo jeni. Shakara o lo jeni. Bonsoir, c'est Hans, mais je suis là aussi. Voilà. Plus tôt dans l'après-midi, j'ai fait un petit entretien par téléphone avec Biramda Abed, le président de l'IRA Mauritanie. Donc IRA, c'est l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste. C'est, en fait, il y a peu de gens qui savent ici en Europe que c'est seulement en 2007 qu'on a aboli officiellement l'esclavage en Mauritanie, qui est quand même assez étonnant. Mais donc officiellement, sur papier, ça n'existe plus ou c'est illégal. Mais dans la pratique, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour l'instant, M. Biramda Abed est en Belgique pour un traitement médical, j'ai bien compris. Bon, c'est pas, ça n'a pas d'importance. Et le 13 avril, en fait, une militante en Mauritanie est arrêtée. Maintenant, elle a été libérée sous condition hier. Mais bon, il y a toujours un procès contre elle. C'est une situation assez particulière en Mauritanie. Moi, je découvre plein de choses, en fait. Par exemple, on peut toujours être condamné pour apostasie, je ne sais pas comment on dit en français. Apostasie, donc c'est dire « je ne crois plus en Dieu », par exemple, ou « blasphémie ». Ce sont toujours des délits assez importants en Mauritanie. Enfin bon, c'est une interview, c'est pas très long, c'est à peu près 8 minutes, mais ça va vous expliquer plein de choses. Donc voilà. Je vais donner la parole à Monsieur Biramda Abed. Je vous remercie infiniment. Oui, je suis Biramda Abed, député mauritanien, président de l'initiative pour la résilience du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA Mauritanie, oui. Bon, qui est une organisation qui a été créée depuis 2008, mais qui est toujours interdite, ses dirigeants et ses militants persécutés par le pouvoir mauritanien. Notre organisation est née pour essayer de changer l'état d'apartheid non écrit qui est appliqué en Mauritanie contre la majorité noire, oui, d'ascendance africaine, qui subit une oppression raciale de la part d'un pouvoir suprémaciste, oui, qui vise à mettre l'exclusivité des leviers de commande du pays entre les mains des membres d'une élite arabo-berbère qui est foncièrement raciste et esclavagiste contre la majorité noire. Oui. Bon, notre lutte vise à déconstruire cet état de fait, l'esclavage par ascendance, par la naissance qui frappe les Africains mauritaniens, mais aussi le racisme domestique et d'État qui les exclut de la réalité de la citoyenneté en Mauritanie. Et donc en fait, officiellement, l'esclavage a été aboli en Mauritanie assez récemment, en fait. Oui, assez récemment, en 2007, mais c'est une abolition seulement sur le papier, oui, mais pas effectif sur le terrain. Oui. Le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, sécuritaire, continue encore à soutenir les esclavagistes et à les soustraire à la loi, c'est-à-dire à leur procurer l'impunité totale dans la pratique des crimes d'esclavage. Oui, oui. Et quelle est la pratique de votre organisation? Qu'est-ce que vous faites exactement en Mauritanie? Notre organisation, elle sensibilise les populations pour une résistance pacifique, oui, contre la peur, contre la résignation, contre la soumission, oui, car le pouvoir utilise tous les moyens pour faire peur aux gens, pour les pousser à se résigner et pour les pousser à se soumettre davantage. Il utilise la répression violente, il utilise l'emprisonnement, il utilise la torture, il utilise aussi la marginalisation, oui, c'est-à-dire priver les gens de pouvoir travailler, de pouvoir étudier, de pouvoir cultiver, priver les gens des terres. Oui. De toutes les fonctions dans le secteur public, étatique comme dans le secteur privé, ce sont là des méthodes qui sont utilisées par le pouvoir pour intimider les gens et pour les obliger à se taire ou à faire de faux témoignages en faveur du pouvoir. Oui. Aussi, le gouvernement utilise aussi la violence religieuse contre les militants anti-esclavagistes, anti-racistes de notre organisation. Par exemple, tous les membres d'organisations qui dénoncent l'esclavage, qui dénoncent le racisme, sont considérés comme des ennemis de l'islam, des ennemis de Dieu, comme des alliés aux juifs maléfiques et aux occidentaux qui sont traités comme des croisés. C'est cette violence idéologique et religieuse aussi qui est instrumentalisée contre toutes les personnes qui veulent relever la tête d'avoir en Mauritanie et le pouvoir instrumentalise bien la religion contre les militants. Oui. Et donc récemment, une militante de votre organisation, Mariam Minchik, a été arrêtée. Ce qui m'a frappé dans votre communiqué de presse, c'est qu'on utilise une législation qui est assez récente et qui est soi-disant une législation qui veut combattre le racisme dans la société, est en fait utilisée pour réprimer les militants qui se battent contre le racisme. En effet, c'est la spécialité et la spécificité du régime d'apartheid mauritanien implanté en Afrique de l'Ouest. C'est qu'il traite beaucoup avec les organismes internationaux. Il y a une inflation dans la signature et la ratification de conventions internationales des droits de l'homme. Mais jamais ces conventions ne sont appliquées. Mais il y a aussi des lois qui sont édictées et qui sont destinées à réprimer, à sévir contre les militants anti-esclavagistes, les militants anti-racistes. Voilà, nous, on a compris dès 2017, lorsque le gouvernement a commencé à mettre en œuvre un projet de loi contre le discours du racisme, de la xénophobie et de la haine, on a compris que le gouvernement vise les défenseurs des droits de l'homme qui luttent de manière pacifique et légales et qui sont conformes à la légalité nationale et à la légalité internationale. Parce que le gouvernement mauritanien considère la lutte contre l'esclavage et contre le racisme, considère cette lutte comme du racisme. Parce que ce sont des racistes qui sont au pouvoir et ils considèrent le fait de s'opposer à leur politique raciste, ils considèrent ça comme du racisme. Et nous, on a compris qu'ils vont traduire interpréter cette loi pour réprimer les mouvements antiracistes et les mouvements anti-esclavagistes. Donc, la victime, ils veulent la transformer en bourreau. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire en arrêtant Mariam Minchik. Oui. Est-ce que vous avez de nouvelles de votre militante? Oui, elle a été libérée hier sous contrôle judiciaire. Elle est toujours poursuivie. Oui. Elle n'est plus en prison, mais elle attend son jugement. Voilà. Ok. Écoutez, monsieur, merci beaucoup pour cet entretien et on va certainement tenir ça à l'œil et nous resterons informés. Merci infiniment. Merci à vous. Freedom, I don't need 'em. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key them to life. Let's beat 'em. Weed them smartphones, don't beat 'em. Give it in and in the day, with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, seven players on the act. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We're representing peeps, seven players on the act. We're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Bon, on revient à la fin de l'émission Tranche d'un art. Normalement, c'est le temps pour Nicole de faire l'agenda sur Indymedia, bxl.indymedia.org. Mais malheureusement, à cause de confinement, il n'y a pas vraiment un agenda. Par contre, comme j'ai dit tantôt, il y a plein d'articles et plein d'autres appels quand même à faire des choses. Donc, vous avez quoi à faire. La lutte continue. Même confiné, révolté. Et voilà, mais donc on espère que quand Nicole retourne en studio le 6 mai, qu'il y a à avoir un agenda action complète. Voilà. Merci pour votre attention. Pour, oui, merci, bonne soirée. Voilà. Et à la semaine prochaine, là sera le Distro Lapinothèque. Ils vont vous faire de nouveau plein de lectures et plein de musique. Voilà. Et pour nous, c'est à le 6 mai. À très bientôt. Alors, hein. Oui, c'est ça. Bonne soirée. Vous êtes à l'écoute de... De Tranche d'un art. De Tranche d'un art. De Tranche d'un art.